L'astrophysique, elle aussi, a sa question insoluble sur le modèle de l'œuf ou la poule, des étoiles ou des galaxies, lesquelles sont arrivées en premier. Sont-ce des étoiles qui se sont allumées et regroupées pour former des galaxies, ou des proto-galaxies qui, par effondrement, éparses en leur sein, ont allumé des étoiles? Cette question est pour le moment insoluble, car elle exige de remonter à une période de l'univers où l'on ne voit rien, et pour cause, il n'y a pas de source lumineuse, juste des photons diffus dans un immense nuage de gaz. Ces âges ont un nom, ce sont les âges sombres, sur lesquels de nouveaux équipements, dont le James Webb, devraient bientôt contribuer à faire la lumière. Âge sombre de l'univers, noir, c'est le programme obscur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour donc faire toute la lumière, c'est promis, c'est la dernière fois que je fais ce jeu de mots de l'heure, dans la mesure de nos connaissances actuelles, en tout cas sur cette vaste période de l'univers qui couvre plusieurs centaines de millions d'années, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jacques Delabrouille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au centre Pierre Binetruy, c'est à Berkeley en Californie. Vous êtes également directeur de recherche CNRS et nous sommes également en ligne avec Daniel Scherrer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de l'Université de Genève, également chercheur CNRS détaché. Mais on commence par celle qui éclaire chaque jour l'actualité scientifique. J'avais dit que je ne le faisais plus, c'est raté. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et selon une étude parue dans la revue Science Advances, pour la première fois, nous aurions détecté in situ de l'eau sur la Lune. Et le petit atterrisseur chinois Shenzhe 5 s'est posé le 1er décembre 2020 à la surface de la Lune, dans un bassin volcanique, dans l'océan des tempêtes. Et ce robot est capable d'étudier sur place la minéralogie de surface, c'est-à-dire de comprendre la concentration chimique dans certains éléments. Selon cette étude, il aurait détecté de l'eau en très faible quantité, 120 ppm, ça veut dire environ 120 grammes d'eau par tonne. C'est ridiculement faible par rapport aux teneurs d'eau que l'on observe sur Terre. Même dans le désert du Sahara, les concentrations d'eau sont 100 fois plus fortes. Mais c'est une détection importante car jusqu'à présent, cela n'avait été fait qu'à distance. Shenzhe 5 a ainsi mesuré plusieurs roches où l'on voit des concentrations différentes d'un endroit à l'autre. Et il y aurait potentiellement différentes sources d'eau sur la Lune. Potentiellement, car pour le moment, il y a encore des incertitudes sur cette détection. Sylvain Boulet est planétologue et professeur à l'université Paris-Saclay. Il est le président de la Société astronomique de France. Il faut bien comprendre que quand on détecte de l'eau, en fait, l'eau, si on revient à la formule de l'eau, c'est H2O, donc deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Mais ce n'est pas forcément que de l'eau qu'on détecte, ça peut être aussi ce qu'on appelle de l'hydroxyle OH. Et donc effectivement, l'étude elle-même dit qu'ils ne savent pas trop s'ils ont détecté vraiment de l'eau ou ce radical OH qu'on prend souvent aussi pour de l'eau. Et en fait, une des sources possibles de ces atomes d'hydrogène, c'est effectivement le vent solaire. Ce vent solaire, toutes ces particules envoyées par le Soleil, et notamment dans ces particules, il y a des atomes d'hydrogène, et ces atomes d'hydrogène, en rencontrant la Lune, pourraient rentrer directement dans la roche et expliquer notamment une certaine partie de la concentration d'eau dans les roches. Il y a aussi également l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une source d'eau supplémentaire en profondeur. Qu'est-ce qui permet aux auteurs de dire ça ? Au niveau de l'observation, en fait, il a été observé des endroits où, en fait, il y avait quasiment pas d'eau, à d'autres endroits où il y avait 120 ppm d'eau, et puis d'autres endroits où il y avait 180 ppm. Donc, il y a des endroits plus ou moins enrichis. Donc, on sait quand même, on connaît le flux solaire, donc on sait qu'une partie devrait venir de ce vent solaire. Et puis, il y a un surplus qu'on explique certainement par autre chose. Et donc, une des hypothèses apportées par les auteurs, ça serait peut-être de l'eau, effectivement, qui proviendrait de l'intérieur lunaire et qui serait venu contaminer les roches de surface, notamment par exemple par des impacts ou des processus volcaniques. Et donc aujourd'hui, on en est là, on a encore beaucoup d'incertitudes sur l'origine de cette eau, et on devrait peut-être en savoir un petit peu plus grâce aux échantillons qui ont été ramenés sur Terre par la mission de Chang'e 5. Il faut quand même le noter, cette sonde a pu ramener 1,7 kg de roches lunaires, ce qui n'avait pas été fait depuis 1976 avec Luna 24, donc c'est quand même un petit exploit. Et ces roches vont être être étudiée dans les laboratoires et on devrait justement eh bien voir si on confirme cette détection d'eau dans ces échantillons. Donc voilà, la suite au prochain numéro, on devrait en savoir plus dans les prochains mois. Et vous pouvez en savoir plus d'ores et déjà grâce à notre fil Twitter @lamethodefc sur lequel Noémie Naguet poste comme chaque jour des liens vers les études qui sont évoquées dans le Journal des Sciences ainsi que dans le reste de l'émission. Et on passe au bref. Pour la première fois, un cœur de porc a été greffé sur un humain. Mais c'est ce qu'a annoncé hier la faculté de médecine de l'université du Maryland aux États-Unis. Un homme de 57 ans qui ne pouvait pas recevoir de greffe humaine, hein, s'est porté volontaire. C'était soit la mort, soit cette greffe, explique-t-il. L'organe provient d'un porc génétiquement modifié par CRISPR-Cas9 afin d'éviter un rejet hyper aigu, une réaction immunitaire rapide qui rejette l'organe en quelques minutes. L'opération a eu lieu vendredi et le cœur de l'animal fonctionne toujours. C'est une avancée chirurgicale majeure, mais il y a encore de nombreuses étapes avant que les xénotransplantations deviennent des solutions à la pénurie d'organes. Xénotransplantation dont nous parlerons dans une prochaine émission. Une fake news est en train de se répandre, vous l'avez peut-être entendu au journal télévisé même, il n'existe pourtant pas de variant Deltacron. Oui, cette infox nous vient de Chypre, où des chercheurs d'un laboratoire auraient identifié une souche hybride, une combinaison du variant Delta et du variant Omicron. Alors il est possible que les coronavirus puissent se combiner génétiquement, mais cela reste rarissime. Et dans ce cas, il ne s'agit pas d'une nouvelle souche, mais plutôt d'une erreur de séquençage des échantillons de prélèvements contaminés par d'autres prélèvements. Par ailleurs, le Flurona, une combinaison de la grippe et du SARS-CoV-2, n'existe pas non plus. Les deux virus ne peuvent pas se combiner, il s'agit simplement d'infections simultanées. Et enfin, une étude parue dans SCS Neno décrit la création de minuscules robots capables de nager dans les vaisseaux sanguins pour débloquer des caillots. Et cette équipe chinoise s'est inspirée des bactéries pour la conception de ce mini-robot en forme de tire-bouchon. De 7 mm de long sur 2 mm de large, il peut nager dans les veines pour délivrer des médicaments anticoagulants. Un prototype a été testé dans des vaisseaux sanguins de synthèse, irrigués par du sang de porc. Équipé d'une hélice, des aimants lui permettent d'avancer dans la veine et de tourner sur lui-même. Une fois arrivé jusqu'au caillot sanguin, le robot a pu délivrer sa cargaison thérapeutique. Selon les auteurs, cette méthode serait beaucoup plus efficace et rapide que la traditionnelle thrombolyse. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. De l'univers, on connaît théoriquement très bien, ou en tout cas plutôt bien, les premiers instants de 10⁻⁷ secondes et l'échelle de Planck jusqu'à 380 000 ans après le Big Bang et la libération des photons de la matière, le couplage des électrons et des noyaux atomiques, moment que l'on a pu observer et dont l'on dispose d'une représentation aujourd'hui à travers le fond diffus cosmologique. Mais de cette période-là à à 380 000 ans après le Big Bang, et jusqu'à l'allumage des premières étoiles, c'est un vaste brouillard, au sens propre comme au sens figuré. L'univers s'étend et il baigne dans une soupe de gaz et de photons et se refroidit lentement. C'est dans cette période, qui s'étire approximativement jusqu'à 400 millions d'années après le Big Bang, que se sont formées les premières étoiles ou les premières galaxies, sans que l'on sache aujourd'hui lesquelles sont apparues en premier. C'est à ces âges dits sombres que nous nous intéressons aujourd'hui et on enclenche la machine à remonter le temps de l'univers avec notre archive du jour et un accent que vous allez certainement reconnaître. Nous sommes en 1986 dans l'émission « La science et les hommes ». Quand vous regardez loin dans l'espace, vous regardez dans le passé, de toute façon. Pourquoi ? Parce que la lumière met du temps à arriver jusqu'à vous. Si vous regardez un ensemble de galaxies qui sont situées à 1 milliard d'années-lumière, vous les voyez telles qu'elles étaient il y a 1 milliard d'années. Or, il y a 1 milliard d'années, l'univers était plus dense qu'aujourd'hui. C'est bien ça, le sens de l'expression « expansion de l'univers ». Si vous regardez 5 milliards d'années-lumière, vous devez voir un univers encore plus dense. Eh bien, ça se prête à un test. Il s'agit simplement de regarder différents amas de galaxies et de regarder si les amas qui sont très loin sont plus denses, c'est-à-dire s'il y a plus d'amas dans une unité de volume quand vous le prenez très loin que quand vous le prenez tout près. Eh bien, confirmation magnifique, il n'y a aucun doute. Dès que vous regardez dans le passé, dès que vous regardez loin, la matière devient de plus en plus dense et c'est tout à fait en accord avec cette idée de l'expansion de l'univers. Voilà, vous aurez certainement reconnu l'accent chantant d'Hubert Reeves, que nous saluons, car nous savons qu'il nous écoute de temps en temps. Peut-être un commentaire l'un et l'autre, on n'est pas encore aux âges sombres, mais on voulait enclencher et penser, si vous voulez, la façon de remonter le temps dans l'univers et d'arriver progressivement jusqu'à ces âges sombres. Jacques Delabrouille. Excusez-moi, pardon. je vous demandais juste un commentaire à cette façon de comprendre l'univers quand on part d'aujourd'hui et qu'on remonte jusqu'à ces temps très très reculés. L'univers a changé, il faut se le figurer différemment. Ça n'est pas du tout l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Oui, bien sûr. Si on remonte très loin dans le passé, l'univers était beaucoup plus dense, beaucoup plus homogène qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde l'univers, on observe des structures, on observe des galaxies, on observe des étoiles qui sont en fait des zones où il y a une grande densité de matière. Si on remonte dans le passé, ces densités de matière vont s'effacer pour donner lieu, en fait, à si on remonte suffisamment loin, à une soupe de particules extrêmement homogène. Et c'est à partir de cette soupe de particules extrêmement homogène que vont se former les structures et justement que vont s'allumer les premières étoiles et vont apparaître les premières galaxies à la fin de cette époque des âges sombres. Daniel Scherrer, sur ces premiers, parce qu'on là on va remonter très très tôt, on va remonter avant un milliard d'années, mais si on est un milliard d'années après le Big Bang, on est tout de même arrivé à une forme qui ressemble approximativement à celle que l'on connaît aujourd'hui, ou même un milliard d'années, on est encore à une forme très très distincte de notre univers contemporain. Non, je dirais effectivement déjà les galaxies qu'on peut voir maintenant à un milliard d'années après le Big Bang, elles ressemblent pas vraiment aux galaxies qu'on connaît dans notre environnement proche. Ressemblent à des petits grumeaux, c'est des petits paquets de matière totalement irrégulière et beaucoup plus petites. Donc il faut beaucoup plus de temps pour former des galaxies avec des belles structures, des belles galaxies spirales et ce genre de formes. Alors une question, on va retracer les premiers instants de l'univers très très rapidement en résumé, parce que on l'a déjà beaucoup évoqué à ce micro, donc on va vous mettre des liens vers des émissions précédentes, telle n'est pas aujourd'hui notre sujet de discussion, mais tout de même, comment se fait-il que l'on ait une photographie du fond diffus cosmologique à 380 000 ans après le Big Bang et que on ait grosso modo plus rien jusqu'à un peu moins d'un milliard d'années après le Big Bang? Pourquoi est-ce qu'on a un trou dans la raquette à cet endroit-là, Daniel Scherrer? En gros, comme disait mon collègue, l'univers est très homogène après le Big Bang. Et puis pour former des structures, pour former des galaxies, des étoiles, il faut amener la matière à un endroit, il faut la condenser, la matière. Parce que vous savez, une étoile, c'est une boule de gaz extrêmement compacte. Et donc, il faut d'abord créer de la structure, comme on l'a dit. C'est-à-dire que la matière, qui est très bien distribuée, elle doit commencer à se condenser dans certaines régions de l'espace. Et puis, on sait que le fond diffus cosmologique, on voit déjà, même s'il est homogène, il a quand même déjà il montre des petites variations. Et au fait, ces variations, elles correspondent à des régions de l'espace qui sont un petit peu plus denses que d'autres et d'autres qui sont moins denses que la moyenne. Donc ce qui va se passer, au fait, c'est que la matière qui domine la gravitation, qui on pense est la matière sombre, elle va s'attirer et se concentrer dans certaines régions. Et elle va faire des puits de potentiel qui commencent à se creuser, qui commencent à devenir de plus en plus profonds. Alors, pour ça, il faut du temps. Je vous en prie, excusez-moi, je vous en prie, je vous laisse terminer. Donc pour que la matière puisse se condenser et se collapser, après, ultimement former des étoiles, il faut du temps. Donc il faut que la matière sombre, elle croisse, les surdensités de matière sombre, elles puissent croître, et puis qu'elle puisse attirer le gaz, donc la matière normale, de laquelle les étoiles sont faites et les galaxies sont faites, qu'elles puissent suivre la matière sombre dans ces régions plus denses et à cet endroit-là se fragmenter et former des étoiles. On va revenir à cette formation de premières étoiles ou de premières galaxies dans un instant. Alors je vais reformuler ma question, Jacques Delabrouille. Ma question c'était pourquoi est-ce qu'on a une image du fond diffus cosmologique? On a une image alors qui est celle que l'on connaît, qu'on va vous reposter sur le fil Twitter, alors qu'on n'a pas d'image des âges sombres. Pourquoi on arrive à imager le fond diffus cosmologique alors qu'on ne voit pas dans ces âges sombres après le fond diffus cosmologique? Et parce que le fond diffus cosmologique a été émis au moment où, en fait, la matière dans l'univers émettait des photons. C'est-à-dire que plus on remonte dans le passé, plus l'univers était chaud. Et donc, à partir de cette, au moment de l'émission de ce fond diffus cosmologique, l'univers est extrêmement brillant. Alors, il est extrêmement brillant, mais toute cette lumière, elle a perdu de son énergie en venant jusqu'à nous. Donc, il a été effectivement assez difficile de le détecter. La première détection de ce fond diffus cosmologique date des années 60, et ensuite la première détection des petites fluctuations de température ou de densité de ce fond date des années 90, donc c'est relativement récent. Par contre, une fois au moment de l'émission de ce fond diffus cosmologique, l'univers qui était auparavant constitué d'ions, donc de noyaux d'hydrogène et d'hélium essentiellement, et d'électrons, et qui interagissaient avec la lumière et qui émettaient de la lumière, ces atomes se sont combinés, en fait ces noyaux et ces électrons se sont combinés pour former des atomes neutres qui n'émettent pratiquement plus de photons. Et donc il est extrêmement difficile de détecter cette matière après l'émission du fond diffus cosmologique, tout simplement parce qu'elle n'émet pas pratiquement pas de lumière et pas de photons. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, dans la méthode scientifique, nous parlons donc des âges sombres de l'univers en compagnie de Jacques Delabrouille et de Daniel Scherrer. Nous sommes donc 380 000 ans approximativement après le Big Bang. Donc le fond diffus cosmologique, comme vient de l'expliquer Jacques Delabrouille, a été émis. Les photons se sont séparés de la matière. On a vécu l'épisode dit de la recombinaison, qu'on devrait plutôt appeler l'épisode de la combinaison, puisque les électrons et les noyaux atomiques se sont combinés pour créer la matière, essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Jacques Delabrouille, si on pouvait par une action magique se projeter avec des yeux humains, avec une vision dans cette âge sombre, qu'est-ce qu'on verrait, à quoi ça ressemblerait juste après justement cette recombinaison du fond diffus? Juste après la recombinaison, les photons qui sont émis par cette recombinaison, ce sont des photons dans le domaine visible, ils sont dans le rouge, ce sont des photons qui sont un petit peu moins énergétiques que ceux qui viennent du soleil, mais à peine. Donc on serait dans un bain de lumière qui rayonnerait tout autour de nous. Alors évidemment la température serait élevée, il ferait environ 3000 degrés, donc ça serait difficile pour nous d'y survivre. 3000 degrés Kelvin. Oui, c'est à peu près la même chose, vous me direz, mais oui, c'est ça. On verrait cette lumière. Daniel Scherrer, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu justement l'état de l'univers à cette période-là, à 400 000 ans après le Big Bang? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il évolue? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cet univers très très très primitif, dans ces âges sombres? Donc en effet, comme on vient de le voir, il y a les photons qui sont découplés de la matière, c'est-à-dire que l'univers est devenu suffisamment peu dense pour que les photons puissent se propager librement sur des grandes distances sans être ou avant d'être absorbés par la matière. En même temps, la matière, donc qu'on pense qui est un mélange de matière noire et de matière normale, tout l'espace est en expansion, mais la matière commence à se concentrer dans des régions qui ont des légères surdensités, justement par l'effet gravitationnel. Et donc là, on est dans cette espèce de bain, qui est une espèce d'océan qui est encore relativement calme, donc qui contient que de l'hydrogène, de l'hélium, du Big Bang, un peu de lithium et de deutérium. Et on est donc dans un univers qui est relativement peu structuré, donc avec où les perturbations sont encore faibles, ce qu'on appelle linéaire aussi. Et donc la densité d'énergie dans cette période-là, elle est dominée par la matière. Donc il y a par exemple l'énergie sombre dont on parle plus tard, elle est essentiellement négligeable à cette période-là. L'énergie sombre qui est celle de l'extension de l'univers. Je rappelle que voilà, matière noire, énergie sombre, on a beaucoup traité ces questions-là. Je vous renvoie aussi à nos émissions précédentes à ce sujet. Je vous laisse poursuivre, Daniel Scherrer. Tout à fait. Donc dans ce sens-là, l'univers, il est dans un état beaucoup plus simple et essentiellement dominé par la physique. Donc, nos collègues physiciens disent c'est la seule période où c'est la période où, après le Big Bang, où il y a en gros que la physique et pas encore l'astrophysique qui, elle, est complexe, où il y a les étoiles, les supernovae qui brouillent tout, le rayonnement qui se propage, des chocs, etc. Donc, en soi, dans cette période des âges sombres, c'est une phase où l'univers est encore relativement dans un état relativement simple, et, mais où les structures commencent à se former et la matière commence à s'agréger. Mais par contre, il peut y avoir d'autres objets qui se baladent. Il pourrait y avoir des trous noirs primordiaux qui sont là encore d'après le Big Bang. Il pourrait déjà y avoir des ondes gravitationnelles, des perturbations, des inhomogénéités de l'univers. Il pourrait y avoir des particules exotiques qui se baladent et puis qui peut-être s'annihilent et qui pourraient chauffer la matière. Donc il y a toute une série de physiques qu'on suppose être là ou qui pourrait être là, qui est très intéressante et qu'on aimerait aussi pouvoir tester à un moment donné. Jacques Delabrouille, vous voulez compléter cette description? Il y a ce que dit Daniel Scherrer, c'est que à cette période de l'univers, finalement, c'est la gravitation qui va faire beaucoup de choses. Comment d'ailleurs se comporte la gravitation, puisque on est en présence d'un certain nombre d'atomes, très très peu divers? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a quelques petites anisotropies, il y a peut-être quelques puits gravitationnels qui se créent, alors qu'on imagine que tout ça doit être quand même relativement homogène dans l'ensemble, non? Oui, alors on sait que c'était très homogène, en particulier en regardant le fond diffus cosmologique, puisqu'on voit directement sur cette image la trace des petites inhomogénéités de densité. À l'époque, c'est des toutes petites inhomogénéités, c'est-à-dire de l'ordre de 10-5, c'est-à-dire 1/100 millième. C'est-à-dire que la variation de densité en fonction d'un point à l'autre de l'univers est de l'ordre de 1/100 millième. Ça, c'est au moment de l'émission du fond cosmologique. Et petit à petit, ces petites surdensités, même si elles sont petites, elles mettent en route, en fait, la gravitation qui va faire s'effondrer les structures. Et pendant, justement, ces âges sombres de la formation des structures, on va passer de contrastes de densité de l'ordre de 1/100 millième à des contrastes de densité où on va avoir des objets déjà compacts, comme des étoiles des étoiles essentiellement, et puis des galaxies. Comment expliquer, Jacques Delabrouille, que ces âges sombres, alors on parle avec beaucoup de précaution, mais s'étalent sur une période aussi longue, parce qu'on parle de à peu près, grosso modo, et je vous laisse me corriger si nécessaire, un demi-milliard d'années, de 400, entre 400 et 600 millions d'années? C'est à peu près ça. Alors on pourrait penser, enfin moi personnellement je trouve que c'est plutôt court. À l'échelle cosmologique peut-être, oui. À l'échelle de l'univers, c'est plutôt court. Arriver à former des structures qui commencent finalement à ressembler à ce qu'on connaît, même si c'est pas les mêmes galaxies que celles qu'on voit aujourd'hui, on a déjà des galaxies à la fin de cette période, et donc on est parti de petites fluctuations de densité de l'ordre de 1/100 millième pour arriver à faire des objets qui sont quand même déjà bien structurés. Donc c'est tout simplement le temps qu'il faut à la gravitation pour arriver à rassembler ces petites surdensités. Elles vont grandir, ensuite elles vont s'accréter les unes aux autres pour arriver à faire des grands puits d'agrégation de matière. C'est le temps que ça prend. Je disais long parce que long comparé aux 380 premiers mille ans, ou en tout cas au début de l'univers, où il se passait énormément de choses en très très peu de temps, et là d'un seul coup le temps s'étire notablement, Daniel Scherrer. Mais effectivement, à l'échelle cosmologique, c'est finalement relativement court. Oui, j'ai effectivement le même sentiment que mon collègue, c'est court par rapport au reste de l'univers, et puis quand même il faut partir de ces inhomogénéités minuscules pour faire pour collapser, donc pour assembler la matière qui, on pense, va être typiquement, on va y avoir des structures qui font de l'ordre d'un million de masses, un million de fois la masse du Soleil, qui c'est à peu près la masse des premières galaxies ou des premières entités qu'on attend qui se forment. Et donc cela prend du temps. Oui. Il se passe à un moment donné quelque chose, reste à savoir exactement ce qui se passe. Vous avez donné l'un et l'autre des indices, ce qu'on appelle l'aube cosmique, c'est-à-dire les premiers allumages. La question que j'évoquais en introduction de cette émission, quant à savoir s'il s'agit d'étoiles qui s'allument ou de galaxies qui commencent à s'allumer, n'est évidemment pas tranchée. Mais Quel est ce quelque chose, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les différents scénarios, Jacques Delabrouille? Donc, à partir du moment où la densité devient suffisamment grande, on va partir sur la formation d'une étoile. Hein. Quand la densité devient suffisamment grande, pour s'opposer à cet effondrement gravitationnel, la matière ordinaire, les atomes vont créer vont avoir une pression, la pression qui va résister à cela. Mais malgré tout, la masse va concentrer les atomes au centre des étoiles, jusqu'au point où cette concentration va être suffisamment élevée et la température suffisamment élevée pour démarrer des réactions nucléaires. Et ces réactions-là vont allumer les étoiles en émettant de la lumière qu'on va pouvoir commencer à voir. C'est comme ça que fonctionne une étoile, et donc c'est probablement ce qui s'est passé également à la sortie, donc à cette période d'aube cosmique. Avec donc les premières étoiles qui s'allument et qui réilluminent la totalité de l'univers. Alors ça, c'est l'un des scénarios, Daniel Scherrer. L'autre scénario, c'est de dire que avant les étoiles, il y a finalement des proto-galaxies qui sont créées par ces puits de densité, également grâce à l'effet de la gravitation et de la matière noire. Vous pouvez nous résumer en quelques mots le scénario qui dirait que finalement les galaxies apparaissent avant les étoiles et que c'est dans ces proto-galaxies que les surdensités se font et que les étoiles s'allument? Alors je ne sais pas trop à quel scénario je crois, ou la plupart des gens, parce que je ne sais pas si c'est évident effectivement, parce que en gros ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir effectivement, pour que la matière puisse se collapser, il faut que le gaz atomique, déjà la matière normale, elle puisse suivre la matière sombre, c'est-à-dire pour ça il faut avoir déjà une quantité de masse du halo, donc de matière sombre suffisamment grande. Et après, il faut que ce gaz, en fait, il puisse se refroidir. Parce que pour pouvoir se condenser, il faut que la matière, en gros, la gravitation puisse l'emporter par rapport à la pression exercée du gaz, donc par rapport à la température. Ça veut dire qu'on va avoir affaire à des nuages relativement grands de matière qui vont se condenser et puis qui vont après commencer à se fragmenter. Donc, est-ce qu'on appelle ce nuage... l'entité de ce nuage, j'aurais tendance à dire que ça, c'est une proto-galaxie. Et puis, si elle se fragmente en plusieurs endroits en même temps, et puis chacun de ces fragments donne naissance à une ou plusieurs étoiles, alors on peut avoir soit une étoile qui se forme d'abord, soit plusieurs étoiles qui se forment en même temps. Donc, pour moi, je pense que l'étoile et la galaxie, elles ne sont pas découplées. Donc, on ne peut pas dire l'un vient avec l'autre. En gros, ils viennent ensemble, je pense. Jacques Delabrouille, votre sentiment à ce propos? Ah, Jacques Delabrouille, je pense qu'on a peut-être perdu Jacques Delabrouille. Vous êtes là. Voilà. Vous avez entendu ma question ou voulez-vous que je la répète? Non, il faut que vous répétiez la question. La question, c'est-à-dire en réaction à ce que dit Daniel Scherrer, est-ce que finalement le débat étoile ou galaxie qui vient en premier, est-ce que c'est un faux débat? Est-ce que finalement les deux sont concomitants par rapport à ce que venait de décrire Daniel Scherrer, de ces nuages de gaz qui se séparent et qui finissent par créer des étoiles? Probablement. Les deux doivent se former en même temps, d'une certaine façon. C'est-à-dire que on va avoir tendance à avoir des surdensités de la taille d'une étoile dans des plus grosses surdensités de la taille d'une galaxie. Oui. Donc c'est un petit peu, ça se forme un petit peu en même temps. Vous disiez, je ne sais plus si c'était vous, Jacques Delabrouille ou Daniel Scherrer, vous disiez que dans cet univers primordial, dans ces âges sombres, il était possible que se promène notamment quelque chose comme des trous noirs massifs ou des trous noirs primordiaux. Ça veut dire que il est envisageable, ou l'un des modèles propose, que ces nuages de gaz se soient effondrés directement en trous noirs sans passer par la case étoile géante. C'est ce qu'il faut comprendre, Jacques Delabrouille. Alors si ce sont des trous noirs primordiaux, c'est pas exactement ça. Ce sont des trous noirs qui en fait existeraient déjà avant. Avant cette période, primordiaux, ça veut dire qu'ils se seraient formés dans les tout premiers instants de l'univers. Donc c'est une possibilité. Certains de mes collègues qui travaillent sur ce genre de modèle, et c'est un petit peu alimenté aussi par les récentes détections de trous noirs assez massifs, donc de l'ordre de la centaine de masses solaires ou de plusieurs dizaines de masses solaires, à des distances assez grandes. Donc, c'est une possibilité. Il aurait fallu pour ça qu'un mécanisme dans l'univers tout primordial permette de concentrer des petites régions d'univers en trous noirs. Donc ça, ça pourrait être des trous noirs primordiaux. Ensuite, on va avoir des trous noirs stellaires, très probablement, qui vont être des résidus stellaires de grosses étoiles qui, en fin de vie, vont s'effondrer en trous noirs. Daniel Scherrer, sur cette question ? Oui, c'est vrai que dans la littérature, il y a encore d'autres scénarios qui sont évoqués où effectivement, il y a des gens pensent que des gros nuages, exemple de toute étoile, peuvent collapser dans certaines conditions et former directement un trou noir. C'est ce qu'on appelle « direct collapse black hole ». Mais au fait, je pense que c'est pas quelque chose qui va se passer en gros juste au début des âges sombres, parce que pour faire ce collapse, au fait, les gens imaginent qu'il faut avoir un rayonnement externe ultraviolet qui en gros conduit au initie le collapse. Donc c'est un scénario qui est pas mal discuté tenter d'expliquer les premiers quasars qu'on voit dans l'univers, donc les premiers trous noirs supermassifs. Et puis comment est-ce qu'on les crée ? Parce qu'ils ont peu de temps pour grandir, mais c'est pas ce qui va se passer dans les toutes premières galaxies, vraisemblablement. Se pose donc la question de comment observer cette longue plage temporelle qui n'a pas de source lumineuse directe, comment percer bien ce mystère, ou comprendre en tout cas comment se sont formées ces premières étoiles, ces premières galaxies, avec quels instruments peut-on remonter jusqu'à ces âges sombres. Bien, c'est à ces questions que nous répondrons dans quelques instants. Dark Times de Vente à 16h35 sur France Culture. Puisque nous parlons des âges sombres de l'univers, nous en parlons en compagnie de Jacques Delabrouille, qui est astrophysicien au centre Pierre Binetruy, c'est à Berkeley en Californie, directeur de recherche également CNRS, et Daniel Scherrer, qui est astrophysicien à l'Observatoire de l'Université de Genève et chercheur CNRS détaché. Comment donc faire pour observer ces âges sombres sans lumière ou presque avant l'allumage des premières étoiles? L'une des solutions techniques serait de rechercher la trace de l'hydrogène neutre qui baignait l'univers en quantité très abondante à ces époques-là. Comment donc faire pour capter ce signal ? C'est le sujet de votre reportage du jour, Céline Nozen. Bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, une des techniques consiste à chercher la raie à 21 cm de l'hydrogène neutre qui correspond à la raie spectrale émise par cet atome dans le domaine radio. Alors pour le dire simplement, c'est une des rares signatures spectrales qui permettrait de sonder l'univers sur un très grand redshift, c'est-à-dire à des époques très lointaines de nous, typiquement à la fin de la période des âges sombres et de l'aube cosmique. Benoît Semelin, astrophysicien au LERMA, m'a expliqué comment il est possible de traquer cette signature de l'hydrogène neutre grâce à des instruments adaptés à la fois au sol, comme l'interféromètre SKA, ou bien dans l'espace, avec le James Webb télescope. L'arrêt à 21 cm, ben comme son nom l'indique, 21 cm c'est sa longueur d'onde. Et en fait, comparé à la lumière visible, c'est une très grande longueur d'onde. Pour rappel, la lumière visible, c'est la moitié d'un micron. Là, on est à 21 cm. Et ça correspond en fait à des fréquences radio qui sont proches de celles du Wi-Fi, en fait, par exemple. Mais ça, c'est leur fréquence au moment où le signal est émis. Mais il a été émis très tôt dans l'histoire de l'univers. Et comme l'univers est en expansion, et que cette dilatation des distances dans l'univers s'applique aussi aux longueurs d'onde de la lumière, on a un décalage avec le temps de ces longueurs d'onde, ce qui fait qu'à l'époque actuelle, on va observer ce signal à des fréquences qui sont plutôt aux alentours des fréquences des radios FM, aux alentours de 2-3 mètres de longueur d'onde, au lieu des 21 cm auquel le signal a été émis. Pour observer de la lumière avec des longueurs d'onde aussi grandes, ce dont on a besoin, c'est de radiotélescopes. Mais là, on a des longueurs d'onde tellement importantes, pour avoir des pixels pas trop gros dans le ciel, il nous faudrait des paraboles de 500 ou 1 km de diamètre pour pouvoir faire une image. Donc on remplace ça, qui est très très compliqué à faire, par ce qu'on appelle des interféromètres. C'est-à-dire qu'on a des antennes qui ressemblent presque à des râteaux de télévision d'il y a 30 ans. Et on en a un très grand nombre qu'on va justement répartir dans un cercle peut-être de 500 mètres de diamètre. On en met un très grand nombre et on combine les signaux qu'elle reçoit pour refabriquer une image. Et ça nous donne une image d'une qualité équivalente à ce que nous donnerait un miroir de cette taille-là. Enfin, un miroir ou un réflecteur, une parabole de cette taille-là. Et donc ça, c'est typiquement les schémas de radio-interféromètres comme l'OFAR en Hollande, comme Nénuphar en Sologne, à la station de radio-astronomie de Nancy, et d'ici 5-6 ans, de SKA, de Square Kilometer Array, qui, pour sa partie basse fréquence, sera construit en Australie. Ces radio-interféromètres qui captent ces signaux optiques, ensuite, il faut les traduire en information. Comment ça se passe, l'analyse, ensuite? Enfin, une fois qu'on aura réussi à capter ces signaux. Il faut préciser que, en suivant le radio-interféromètre, on ne va pas pouvoir tout observer. Et on ne va pas pouvoir observer le signal pendant toutes les périodes. Typiquement, l'OFAR ne peut regarder le signal que pendant l'époque de la rayonisation, parce qu'il n'observe pas en dessous de 110 MHz. Si on veut remonter plus loin dans le temps, il faut descendre plus bas en fréquence. Nénuphar est capable d'aller observer l'aube cosmique, et SKA en sera capable aussi, parce que les deux sont capables de descendre à quelques dizaines de MHz. Par contre, si on veut descendre encore au-dessous, on a un problème. On a un problème qui est lié à l'atmosphère et l'ionosphère terrestre. Et donc, pour espérer un jour observer ce signal pendant les âges sombres, on sera obligé d'aller mener ces observations depuis, par exemple, la face cachée de la Lune, en tout cas s'affranchir de l'atmosphère terrestre, et également des interférences radio de l'activité humaine, qui sont aussi une des grosses difficultés. Alors, personnellement, ce que je fais, c'est des modèles du signal cosmologique, parce qu'une fois qu'on a dit, voilà, ça c'est le signal, la question c'est qu'est-ce que ça nous dit sur l'astrophysique, en fait. Et ce qu'on espère déduire des propriétés statistiques du signal, c'est par exemple quantifier le nombre d'objets capables d'émettre beaucoup de rayons X 100 millions d'années après le Big Bang, par opposition aux objets, donc ça serait probablement quelque chose comme des noyaux actifs de galaxies, et quel est leur poids relatif par rapport justement aux étoiles. Et concernant les étoiles, le signal à 21 cm peut aussi nous donner des informations justement sur leur spectre et donc sur leur nature d'une certaine manière. On doit pouvoir, du signal à 21 cm, déduire comment se produit la transition justement des étoiles de population 3 vers les étoiles de population 2, donc les étoiles très massives, primordiales, 1000 fois la masse du Soleil ou quelque chose comme ça, vers des étoiles plus standards que, comme celles qu'on observe plus actuellement. Et faire des modèles. Alors, les modèles, en l'occurrence, c'est des grosses simulations numériques qui utilisent des milliers de cœurs de calcul et des millions d'heures de calcul. L'idée, c'est d'avoir un grand nombre de modèles et de les relier au signal par des méthodes d'apprentissage machine. Dans l'idée, c'est, à terme, on aura le signal de ce cas, on le donnera à un réseau de neurones qu'on aura entraîné préalablement avec nos simulations, et du signal de ce cas, il fixera les valeurs d'un certain nombre de paramètres physiques qui caractérisent la formation des premières sources lumineuses. Il nous dira il y a tel ratio d'émission des noyaux actifs de galaxies par rapport aux étoiles, etc. Voilà, explorer les âges sombres de l'univers grâce à cette raie de l'hydrogène neutre, une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Jacques Delabrouille ? Oui, effectivement, à partir du moment où il n'y a pas d'étoiles et il n'y a pratiquement que de l'hydrogène et de l'hélium, la seule façon de détecter les structures, ou peut-être l'une des seules façons de détecter les structures, c'est effectivement de regarder l'émission de l'hydrogène, qui est le plus abondant, et cette raie est la meilleure façon de le faire. L'une des difficultés, c'est que le signal que l'on veut observer se trouve justement dans la gamme de fréquences qui est utilisée pour toutes les radiotransmissions sur Terre. Et donc, pour faire ces observations, il faut aller dans des déserts, des endroits où, justement, on ne capte pas la radio. On pourrait penser également installer des observatoires radio sur la Lune pour échapper, en fait, à cette sorte de pollution lumineuse radio qui est liée aux activités humaines et dont on a bien besoin. Oui, ce qu'il faut comprendre, ce qui est dit d'ailleurs dans ce reportage, et on va en reparler, c'est que pour capter cette fameuse raie qui est très très décalée dans le rouge, on y reviendra, puisqu'on est très très loin dans le temps et dans l'espace, on ne peut pas se contenter a priori d'envoyer un satellite comme le James Webb, bien que, on va discuter du James Webb dans un instant, il peut apporter des indices, mais on a besoin d'une grande surface au sol pour pouvoir poser ces interféromètres, Daniel Scherrer. Oui, tout à fait. Donc, comme le disaient mes collègues, le 21 cm de l'hydrogène, c'est la façon la seule directe qu'on peut avoir pour observer directement les âges sombres. Comme par définition, il n'y a pas d'autres sources, il n'y a pas de source lumineuse qu'on pourrait voir autrement. Mais après, c'est sûr qu'en observant, justement, en essayant d'observer avec le James Webb ou d'autres, les premières étoiles ou les premières galaxies, et en essayant de voir où est-ce qu'elles se situent, quand est-ce qu'elles apparaissent, quelles sont leurs propriétés, etc. En gros, en déterminant quand est-ce que les âges sombres se terminent ou comment la transition se passe, on va apprendre de façon presque directe également sur les âges sombres eux-mêmes. Quelle est aujourd'hui la galaxie la plus ancienne ? Jusqu'où a-t-on pu remonter de façon attestée, Jacques Delabrouille ? Alors, je pourrais, comme il s'en trouve tout le temps, je pourrais pas dire de façon extrêmement précise. Je crois qu'on est aux alentours d'un décalage spectral de 10, ce qui correspond à un temps de l'ordre de 500 millions d'années après le Big Bang. On a détecté les premières proto-galaxies, peut-être Daniel Scherrer pourra me corriger s'il est plus au fait que moi sur cette question. Daniel Scherrer. Oui, en effet, c'est une chasse au record, et actuellement le record est de la galaxie la plus lointaine connue est détenue en l'occurrence par un collègue Pascal Heuch à Genève. C'est une galaxie qu'on appelle Goods North Z11, c'est pas très romantique comme nom, mais... Elle se situe donc à un rétif de 11 qui correspond à 420 millions d'années après le Big Bang. Et puis, voilà, elle montre une image résolue dans les images de Hubble. C'est pas très spectaculaire comme image. C'est quelque chose d'irrégulier. Ça fait à peu près on estime sa masse à peu près 1% de la masse de la Voie lactée. Et puis, elle est à peu près 30 fois plus petite que la Voie lactée. Voilà, c'est un petit grumeau. Mais c'est le record actuel. D'accord. Qui est détenu depuis quelques années. Alors c'est intéressant parce que vous dites que cette image elle a été rendue possible par Hubble. Comment est-ce que Hubble peut scruter le champ aussi profond de l'espace comme ça? J'imagine que c'est des temps de pause extraordinairement longs. Et le corollaire à cette question, c'est est-ce que le James Webb va permettre justement d'affiner un peu l'image et d'obtenir des informations supplémentaires sur ces minuscules grumeaux que vous venez de décrire, Daniel Scherrer? Oui, tout à fait. Donc, au fait, la découverte, le record actuel est détenu avec Hubble. Et puis, au fait, comment est-ce que c'est possible? C'est d'utiliser des caméras dans l'infrarouge proche. Donc, comme on disait, de façon générale, le rayonnement, il est décalé vers le rouge, tout rayonnement, à cause de l'expansion de l'univers. Et puis, aux distances où on parle, dont on parle maintenant, on décale, au fait, on observe du rayonnement ultraviolet, mais qui est décalé dans l'infrarouge proche. Donc, pour cette galaxie GNZ11 dont je parlais, en l'occurrence, on l'observe à 1,6 microns, et ce qui est en fait la longueur d'onde, la plus grande longueur d'onde que Hubble, à laquelle Hubble peut observer. Il n'a pas de caméra qui peut voir à plus grande longueur d'onde. Et en fait, on a juste une image dans une bande, et dès qu'on regarde à des longueurs d'onde plus courtes, cette galaxie, elle disparaît, parce que son rayonnement est coupé par la matière intergalactique. Donc, c'est pour ça que si on veut aller plus loin, en distance, si on veut s'approcher du Big Bang, il faut équiper les télescopes de caméras qui observent à plus grande longueur d'onde, donc dans l'infrarouge, dans le proche infrarouge, à 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 microns. Et c'est précisément pour ça que le James Webb est équipé de deux caméras extrêmement puissantes et extrêmement sensibles. Et puis bien sûr, il a un miroir qui fait 6 mètres de diamètre aussi, donc... qui va être à peu près 100 fois plus puissant que Hubble, plus sensible. Parce que à l'heure actuelle, quelles sont les informations que l'on arrive à obtenir de ces galaxies? Alors la masse, vous l'avez dit, mais est-ce qu'on en sait un peu plus? Est-ce qu'on peut en discerner la forme? Est-ce qu'on a, grâce à des analyses spectrographiques, l'idée de la composition des étoiles ou du nombre d'étoiles? On a ces informations là ou c'est pas encore et c'est précisément des informations que vont nous donner les observations du James Webb? Alors, pour une galaxie spécifique, celle qui détient le record, si vous voulez, on a relativement peu d'informations, mais au fait, il s'avère qu'elle est relativement brillante comparée à d'autres galaxies. Donc, on l'a trouvée après de nombreuses années en cherchant dans beaucoup de champs. Donc, d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que c'est une espèce d'anomalie qu'elle soit si brillante? Donc, entre guillemets, elle est relativement brillante et ça a permis effectivement d'obtenir un spectre, mais très, très grossier. Mais ce qui a juste permis essentiellement de confirmer la distance, donc le redshift. Et puis après, il y a aussi des images qui ont été prises avec le satellite Spitzer, qui lui est un petit télescope d'un mètre qui vole encore dans l'espace et qui a observé à 4 et à 5 microns, qui a pu détecter également cette galaxie. Donc c'est ces combinaisons en gros de trois, on peut faire une espèce de pseudo-couleur, image pseudo-couleur de cette galaxie. Et ces informations spectrales nous permettent d'estimer la masse, comme je disais, à peu près 1 milliard de fois la masse du Soleil. Mais on n'a aucune idée sur la composition chimique, on ne peut pas dire grand-chose sur l'âge des étoiles. La chose la plus simple qu'on puisse dire, c'est qu'en gros, elles forment à peu près 10 masses solaires d'étoiles par an. Donc c'est ce qu'on appelle le taux de formation stellaire. Ce qui est à peu près typique aussi, est ce qu'on s'attend qu'il se passe dans des galaxies lointaines. Jacques Delabrouille, un mot sur les informations dont on dispose sur ces galaxies très lointaines et sur la façon dont on devrait, bien, notamment grâce au James Webb, mais pas uniquement, obtenir dans les mois, dans les années qui viennent, plus d'informations et quel type d'informations, comment va se préciser notre connaissance sur ces galaxies et comment ces connaissances doivent nous permettre d'éclairer une fois de plus ces âges sombres. Oui, donc la difficulté pour détecter ces galaxies, c'est qu'effectivement, elles sont extrêmement loin et en plus, une bonne partie de l'énergie qu'elles ont émise se dilue à cause de l'expansion de l'univers. Donc d'abord, il faut observer dans le domaine de longueur d'onde de l'infrarouge moyen jusqu'à l'infrarouge lointain éventuellement pour pouvoir les détecter. Et si on veut avoir des informations, il faut faire de la spectroscopie. Donc il faut détecter des raies pour regarder et ensuite voir à quels atomes, à quelles molécules ces raies correspondent. Donc ça, c'est la spectroscopie, c'est ce qui permet de passer de l'astronomie où on détecte juste des objets et on ne sait pas ce que c'est, à des objets dont on peut connaître la composition chimique, et à partir de la composition chimique, on peut en déduire les processus physiques, physico-chimiques qui sont à l'œuvre dans cette galaxie. Donc aujourd'hui, on connaît quelques galaxies à très haut décalage spectral, à très haut redshift, donc de l'ordre de 10, mais c'est juste une poignée. Or, en fait, pour comprendre ce qui se passe de façon globale dans l'univers, il faudrait qu'on en détecte des millions, plus peut-être. Et pour ça, c'est extrêmement difficile. On n'est pas prêt encore d'arriver à détecter ce nombre de galaxies. Un outil qu'on peut utiliser pour essayer d'observer des galaxies très lointaines est le phénomène de lentille gravitationnelle. Oui. Si on regarde dans la direction d'une grosse concentration de masse plus proche de nous, à des décalages spectraux de quelque chose entre 0 et 1, aux alentours de 1, et qu'on observe des galaxies qui sont en arrière-plan, ces galaxies peuvent être amplifiées par le phénomène de lentille gravitationnelle, et ça permettrait du coup de détecter des galaxies qu'on ne pourrait pas détecter directement avec les instruments sans qu'elles soient amplifiées par ce phénomène. Donc là, il y a une piste aussi prometteuse pour essayer de voir des objets très distants. Ces galaxies, Daniel Scherrer a répondu un petit peu, mais il faut bien comprendre qu'elles ne ressemblent pas du tout à la Voie lactée, elles ne ressemblent pas du tout aux galaxies spirales, ou est-ce qu'au contraire ce sont déjà les graines des galaxies spirales? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi de ces toutes premières étoiles, de ces étoiles qu'on appelle de population 3, et qui sont elles aussi radicalement différentes des étoiles que l'on connaît, et principalement évidemment de notre Soleil? C'est une question pour moi. Oui, c'est une question pour Jacques Delabrouille, excusez-moi. Oui, donc ces galaxies, ce sont quand même déjà des proto-galaxies qui vont évoluer pour donner naissance, enfin pour se transformer en les galaxies qu'on va voir aujourd'hui. Donc ça va être soit des galaxies elliptiques, au début elles sont irrégulières, et puis ensuite petit à petit elles vont devenir de plus en plus régulières pour former soit des galaxies elliptiques, soit des galaxies spirales qui ressemblent à notre galaxie ou à la galaxie d'Andromède. Donc ce sont en fait des bébés galaxies, mais ce sont les mêmes galaxies que l'on observe aujourd'hui, sauf qu'on les observe quand elles étaient beaucoup plus jeunes. En ce qui concerne les étoiles, on pense que ces étoiles dites de population 3 sont des étoiles massives, donc plus massives que la moyenne des étoiles qu'on a dans les galaxies, mais pour l'instant on n'en sait pas énormément sur ces étoiles. Il faut, on pense qu'elles ont contribué à cette rayonisation de l'univers, à la sortie des âges sombres, et donc à la rayonisation des atomes après cette période où les atomes étaient essentiellement neutres. Mais il y a encore beaucoup à découvrir sur ces étoiles. Daniel Scherrer, sur cette question. Oui, donc si on veut, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les étoiles de population 3? C'est effectivement, on pense, comme disait mon collègue, qu'elles sont peut-être beaucoup plus massives que les étoiles normales, donc elles sont peut-être en moyenne, elles peuvent avoir 100 fois la masse du Soleil ou 500 fois la masse du Soleil, mais ce n'est pas clair du tout. C'est un débat entre les simulations et les théoriciens pour l'instant. Mais on a quand même de bonnes idées qu'à l'allure spectrale qu'elle devrait avoir. Donc on sait qu'on devrait repérer des rayonnements intenses dans les raies de l'hélium complètement ionisé et de l'hydrogène. Et puis c'est en gros ce que les gens essayent de chasser ou de trouver depuis déjà de nombreuses années et qu'on espère trouver avec le James Webb. Maintenant, on pense au fait que la phase de la première génération des étoiles, donc les populations 3, se passe très très rapidement. Parce qu'en gros, ces étoiles, si elles sont très massives, elles vont vivre à peu près 2-3 millions d'années. Après, elles font très probablement, elles vont exploser en forme de supernova. Et elles émettent, elles produisent une quantité d'éléments lourds, donc de carbone, de silicium et d'autres éléments très importante, qui va donc être très rapidement dispersée dans le gaz ambiant et autour, à partir duquel va se former la deuxième génération d'étoiles. Donc au fait, toutes les simulations montrent pour l'instant que cette transition de la génération d'étoiles primordiales à la génération qui contient des éléments lourds se passe très rapidement. Donc. Mais voilà, la statistique va nous permettre peut-être à un moment donné de voir aussi à quelle vitesse ça se passe et comment va justement cet enrichissement. Mais pour ça, c'est clair qu'il faut faire de la spectroscopie. On veut mesurer la composition chimique des galaxies lointaines, des premières galaxies, des choses qui est totalement inédite jusqu'à présent. Daniel Cher, il est totalement hors de portée aujourd'hui avec nos moyens technologiques et dans les années à venir d'imaginer des instruments suffisamment puissants qui nous permettraient d'avoir des images spectroscopiques de ces étoiles de population 3 à l'intérieur de ces galaxies primordiales. C'est beaucoup trop loin, c'est inenvisageable, ou est-ce que ça va finir par arriver un jour? Non, en fait, on espère que ça se fasse. Alors, ça devrait être possible dans plusieurs conditions, et il y a plein de simulations qui prédisent ça. Donc, on pourrait détecter éventuellement une étoile individuelle, mettons de 100 masses solaires, si on la voyait à travers une lentille gravitationnelle dont on parlait juste il y a quelques minutes. Après, il n'y a pas nécessairement de raison qu'il n'y ait pas la possibilité qu'un amas d'étoiles se forme. D'étoiles primordiales se forment, ou plusieurs étoiles primordiales se forment en même temps. Et à ce moment-là, si on a un amas qui fait par exemple 1000 ou 10 000 fois la masse du Soleil, on commence à rentrer dans le régime où on devrait pouvoir les détecter avec le James Webb qui peut trouver des objets vraiment extrêmement faibles, extrêmement sensibles. Jacques Delabrouille, peut-être un mot pour conclure. On parle beaucoup du James Webb. Il y a un autre projet qui devrait permettre d'aller explorer ces premières galaxies, toutes premières étoiles. C'est le SKA. On entendait parler SKA pour Square Kilometer Array, qui va être construit en Australie. Il doit rentrer en service quand? Qu'est-ce qui devrait permettre de voir en quelques mots? Donc la mise en service est attendue pour dans quelques années. Hein, ça. Quand on construit un instrument de cette taille, de cette complexité, ça prend toujours le temps le temps qu'il faut. Donc, ouais. En général, c'est rarement en avance. L'intérêt de ce télescope, c'est que comme son nom l'indique, Square Kilometer Array, ça veut dire qu'il y a une surface collectrice de 1 km carré à peu près. 1 km carré, ça permet de détecter beaucoup de photons, hein, beaucoup plus qu'une simple antenne qui fait quelques mètres carrés. Donc c'est un projet, je dirais, pharaonique, ce projet SKA. Lorsqu'il a été lancé, on n'avait pas la capacité de calcul sur Terre pour analyser les données. Donc non seulement il fallait faire un observatoire gigantesque, mais en plus il fallait développer la capacité de calcul pour faire l'interférence entre ces différentes antennes. Donc, parmi les différents objectifs scientifiques de SKA, qui va être en fait un télescope qui va pouvoir couvrir beaucoup de domaines de l'astrophysique, effectivement, il y a la possibilité de détecter l'arrêt à 21 cm à haut décalage spectral et essayer donc d'avoir une cartographie de la distribution de la matière à très haut décalage spectral. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Ce sera le mot de la fin. Merci Jacques Delabrouille, merci Daniel Scherer d'être venu nous parler de ces âges sombres de l'univers. Comme toujours, vous pouvez retrouver sur notre fil Twitter tout un tas de liens, de photos, d'articles et de lectures complémentaires pour aller plus loin dans cette compréhension et cette connaissance de ces âges sombres. Encore merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Vivian Lecuivre à la réalisation, Jean-Guy Lamage à la technique, et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.